Elle était pure et belle, et sa touchante image s'entourait de rayons qui reposaient les yeux. Son front était pensif et voilé d'un nuage. On eût dit à la voir qu'elle pleurait les cieux. Ulrich Göttinger. 12. Plus Berthe approchait de Montmorency, plus elle se sentait mal à son aise. À peine si en entrant sous le péristyle, elle eut la force de demander Madame de Maugis. Elle était au jardin, Berthe s'y rendit. C'était un jardin anglais, en labyrinthe, avec ses petites allées étroites, ses arbres touffus, un kiosque chinois, un pont rustique, une rivière sans eau, rien n'y manquait. Alphée était à demi renversé sur un banc de gazon. Une main soutenait sa tête, l'autre tenait un livre, entr'ouvert. Mais elle ne lisait pas, son regard distrait ne se fixait nulle part. Elle avait voulu lire Delphine, de Madame de Staël, et mille réflexions l'interrompaient à chaque page. Absorbée, Alphée n'avait point entendu approcher sa belle-sœur. Celle-ci put à son aise de l'examiner. Le changement de cette jeune femme était remarquable. C'était bien encore cette taille élégante, cette coupe de figure d'un contour parfait. C'était bien encore ces beaux yeux noirs, ces traits charmants, ce sourire gracieux. Mais quelque chose qu'on ne pouvait définir semblait planer sur cette jeune femme et la menacer. On aurait dit que le souffle empoisonné de la mort avait soufflé sur elle, comme le vent d'automne sur les feuilles des arbres. Il avait flétri avant le temps. C'était comme un beau lys coupé dans sa racine, qui sèche sur son pied, s'incline vers la terre et meurt. Son teint était décoloré, un souvenir vague et cruel rendait son front rêveur, donnait à son sourire, à ses yeux humides, une tristesse indéfinissable, une tristesse qui vous prenait au cœur, qui vous gagnait, qui vous attendrissait. Berthe se trouva presque coupable en la regardant. Elle fit un mouvement. Alphée tourna les yeux de son côté. Les deux belles-sœurs s'élancèrent dans les bras l'une de l'autre, s'embrassèrent en pleurant et sans parler. « J'ignorais que tu fusses malade, » dit Berthe après un moment de silence. « Ma mère est morte de la poitrine. Ce mal est héréditaire. » « Mais as-tu consulté un bon médecin? Mais te soignes-tu bien, Alphée ?»« J'ai un médecin, je suis ses ordonnances. » « C'est-à-dire, dit une voix d'homme, derrière les deux femmes, que vous ne m'obéissez pas en tout. » Et Berthe, se retournant, vit un petit homme tout habillé de noir, qui la salua d'un air cérémonieux. « C'est mon docteur, dit Alphée, monsieur Bertin. » « La peau sèche, brûlante, dit le docteur, serrant dans ses doigts crochus la main blanche et effilée d'Alphée. « Vous avez eu tort de quitter votre chambre, je dirais même mieux votre lit, madame. » « Vous me trouvez donc bien malade, monsieur ?» demanda Alphée avec indifférence. « Bien malade, non, mais je vous avais défendu toute émotion pénible, et je m'aperçois, avec peine, que chaque fois que vous lisez ce livre, vous avez la fièvre. Voulez-vous accepter mon bras pour revenir au château, ma belle dame ?»« Volontiers. » Alphée se leva, et Berthe remarqua sa maigreur extrême. Arrivée au salon, et sur l'ordre express du docteur, Alphée le quitta pour aller se reposer. « Est-ce que vous la croyez en danger ?» demanda Berthe en hésitant au docteur. « Parlez, monsieur, je suis sa belle-sœur, son amie, parlez. Je ne vous cache pas que je crains que d'ici à 3 ou 4 jours... »« Grand Dieu, mais vous pouvez vous tromper, monsieur ?»« Je le souhaite, madame. » »« Mais il doit y avoir quelque remède à son mal, mais elle est si jeune, mais elle n'a pas 20 ans, monsieur !» « Tout cela est très vrai, madame, mais les remèdes de l'art ne peuvent plus rien sur elle. Je les ai tous essayés. Une cause secrète, et que j'ignore, mine les jours de cette jeune femme. »« Que dites-vous, monsieur ?»« La vérité, vous êtes sa belle-sœur, son amie, dites-vous. Eh bien, tâchez de pénétrer dans le cœur de cette infortunée. Découvrez-moi son mal, je me charge de le guérir. Mais dépêchez-vous, demain peut-être il ne serait plus temps. » « mon Dieu, que faire ? Un chagrin profond tue Madame de Maugis. Si on pouvait adoucir ce chagrin, si on pouvait procurer à ma malade une émotion qui réchauffa son cœur, qui rappela le sang qui s'en éloigne tous les jours, cela lui ferait du bien. Je le crois, j'en suis presque sûr, madame. Voyez, je reviendrai dans le milieu du jour savoir le résultat de vos recherches. » Disant ces mots, M. Bertin salua et se retira. Berthe était altérée. Elle le laissa partir sans ajouter un seul mot, sans lui adresser une seule question. Elle savait ce qu'elle avait à faire, elle prit son parti. Mais que cela lui coûta, son front en était contracté. Devant elle était une table et tout ce qu'il fallait pour écrire. Elle s'assit à cette table, elle prit une feuille de papier, elle éteignit sa plume d'encre, mais lorsqu'il lui fallut tracer une lettre, ses forces faiblirent, la plume lui échappa des mains. Cette indécision ne dura pas longtemps, rappelant à elle tout son courage, elle écrivit. « Eugène, venez me trouver de suite, je vous prie. Je suis chez moi, à Montmorency. » Puis, sans se donner le temps d'une autre réflexion, elle cacheta sa lettre, appela un valet, lui ordonna de monter à cheval, de se rendre de suite à Paris, de chercher partout son mari, de lui remettre ce billet, de le prier de le suivre et de l'amener ici. Après, elle respira. Puis, comme si ce soupir l'eût épuisée, elle retomba sur sa chaise. Le domestique avait obéi.